restez sans retenue sous le soleil au son des DJ de la scène locale et internationale. Au programme pour la 8e saison, Kevin Yost, Green Velvet, Riva Star, Bass Nectar, Popoff, Josh Wink et plusieurs autres. La passe pique-nique est de retour cette année à prix moindre. Rendez-vous sur leticketpro.com jusqu'au 28 mai pour en profiter. Tous les dimanches, du 23 mai au 3 octobre à la place de l'Homme du Parc Jean-Drapeau, c'est le pique-nique électronique. Bonjour, en manchette ce soir, c'est pas vraiment ça, c'est de la semaine passée, mais je l'ai déjà dit, il le redirait. Le pire aspect du sport professionnel, c'est la horde de vestons-cravates qui suivent les athlètes, pêchant par redondance de leur simple présence. Leurs fines analyses nous aident à nous ennuyer des annonces de pick-up et des pubs de bière. Voilà ce que j'ai retenu de l'écho de l'élimination des pingouins de Crosby qui sont parvenus jusqu'à moi. Kroskin et Malbi n'étaient pas assez forts face à Halak. La solidité en défensive de Halak était supérieure au talent déployé par le duo Malkin et Crosby, qui n'ont pas réussi à percer la muraille de Malak aussi souvent que Kroskin a été testé par les tirs de Albi, menaçant ainsi de remporter la victoire face à Malbi et Halak. On comprend aussi pourquoi Halkin s'est retrouvé avec la première étoile réservée au Halak ayant réussi le plus d'arrêts que la différence entre les buts de son équipe et ceux comptés par Kroskin et Malbi. En somme, Krosakin et Malakbi pourront être fiers d'avoir Halakman fait parler d'eux. On était à 70%. Trop, y'a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie, ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. C'est pas touchant, ça. Si c'est pas... Tu parles-tu du hockey? Parce que non, c'était pas très touchant. De quoi? C'est quoi, le hockey? Crasse-toi, là, ça, le joueur hockey. C'est l'affaire, là, que t'as une petite affaire en or, là, puis ça se joue sur un balai, là. Pis, ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment mal fait, ce jeu-là, parce que dès que tu pognes la petite affaire en or, tu gagnes 150 points, puis la game est finie. Puis sinon, les autres autour, là, ils sont plus que toi, ben, puis ils sont en train de faire 10 points de la shot. Fait que mettez-vous donc tout à trouver la petite cossin et finir ça vite, qu'on aille faire autre chose. C'est mieux un jeu de pichinotte. C'est quoi le sport au secondaire que t'as passé proche mourir la dernière fois? Jouer au ninja, ça à la colline. Ça pas rapport, man, des affaires de sorciers pis tout. On a, La vie des sorciers, c'est plus dur que notre vie à nous, là, c'est normal. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce pouvoir, il faut apprendre à accepter ses responsabilités. Ben oui, c'est ça. Voilà. Pis tu sais, des fois, il y a du monde qui veulent utiliser leur pouvoir pour faire le mal. Ça, c'est ce dont il parle à l'endo des boîtes de céréales. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, dans toutes les bandes dessinées. Là. Parlant de faire le mal, on a le film de Julian Grant, que ça va être le seul film de Julian Grant qu'on va passer au visionnement ici, c'est sûr. La star réalisatrice des épisodes de la télésérie Robocop, Prime Directive, qui avait réétabli les standards de qualité, on s'en rappelle, en 2000. Ben, va nous présenter ce soir, c'est Electra qui a été voté, c'est fabuleux, je suis vraiment content. Ça va être... Tu l'aimes celle-là, hein? Ça a-tu rapport avec, non. Avec Daredevil? Avec... Non, c'est ça, j'insiste. On a Étienne Forêt, c'est lui qui vient d'émettre une opinion... Une question, en fait, qu'on appelle. Une question. Ben, c'est une opinion pas encore à assumer, peut-être. Tu sais, pour avoir raison. Une future opinion. La genèse d'une opinion à 70%. Hey, mais on est rendu à quoi, là? C'était des lettres. Pis tout, on est rendu à I dans mon alphabet musical sympathique. Et voilà. Ça en dit assez long. Juste à ta droite, il y a Ouais, il va en avoir pas mal. Ouais, ouais, ben il y a des... Tu sais, j'ai décidé d'en mettre un peu moins de chaque lettre puis de clencher un peu, là, parce que l'alphabet, il y en a beaucoup, hein, des lettres. Ouais. Oh! Il y en a au moins 26. Faudrait réfléchir à ça. Après ça, je fais l'alphabet grec. Oh, yes. Ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, ça va être un petit peu plus redondant aussi, sûrement. Sûrement un peu, oui. Hey, à ta droite, c'est Julien. J'ai oublié ton... Hey, allô? J'ai oublié ton nom de famille. Bernatchez. Julien Bernatchez. Ouais. Toi, t'es un grand fan de BD, notamment Lucky Luke. Ouais, c'est exact. Ouais, j'aime beaucoup Lucky Luke. Puis, on va parler de ça un peu. Ouais, non, j'aime vraiment. Ben, j'aime pas ça tant que ça, dans le fond. En fait. Non, non, t'adores ça. J'adore, j'adore on ça. On l'a pris en otage, puis on lui a dit, faut que tu parles de quelque chose. C'est ça. On a entendu dire que ça ruinait des fois tes relations sociales, ta passion pour. Ben, si j'en avais, il serait ruiné par ça. Ouais. Ça ben, commence fort, que... mon gars. Ben oui, j'ai pas pris de charge, j'ai rien préparé. Ah, ben c'est excellent, t'es à la bonne place pour faire ça. À droite, pas de micro avec des courbes, c'est Elisabeth. Bonjour, bonjour. C'est ça, vient de trouver sa limite. On a Bruno Corbin. À toi, t'as-tu des nouvelles pis tout? Bon, non, bon. Non, on va faire un tour du monde de la bêtise humaine. Là. On va passer par le Japon, puis l'Espagne, puis le Royaume-Uni, puis la Chine, puis les États-Unis, puis même la Suisse cette semaine. Comme quoi, la Suisse ne sont pas à l'abri de la bêtise humaine. C'est bon à savoir. On a Mademoiselle X aussi. Bonsoir. Comment ça se passe? En ce moment, là. Ouais, ouais, là live, là, t'es juste à côté de Bruno, là. Il y en a qui se sont évanouis. Pas mal. Est-ce que j'ai encore le temps d'en aller? Wow. Les portes sont barrées. Puis les mines antipersonnelles sont amorcées. Fait que dès qu'il y a plus de poids sur ta chaise, tu te fais atomiser. C'est ça. C'est pas plate, hein? Tu te remplaces par un sac de sang. Israël, toi, tu nous as amené Madame X, Mademoiselle X, dans le Ouais, ouais, j'ai une chronique très spéciale ce soir. On va pouvoir lui poser des questions. On peut-tu l'appeler X? X, ouais, ouais, comme un X-Man. C'est ça. OK, ça va être X-Woman. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. On l'appelait Miss X. Puis, Predj, toi, t'as-tu rencontré des cracks de tiroir qui t'ont... À soir, je me plains contre des affaires. Préparez-vous, ça va être des mots. Pas encore les affaires qui sont partout, eux autres. Hey, moi, j'ai une toune ici là, qui me trotte dans la tête depuis toute la semaine. Là. J'ai dû sûrement écouter ça plus que toutes les tounes que j'ai écoutées cette semaine de toute la semaine. Là. Mon papa, moi, est un gangster. Avec ça. Oh non, ça, une fois, pas plus. Non, en fait, c'est la trame sonore de la fin de l'excellent Bukaru Band. L'excellent. Non, non, checkez pas le film, mais la tune est bonne. Fait qu'on va revenir pour à 70% pour faire comme si... On était professionnel. C'est un ça. 70% osé et différent. Osé et différent, une formule améliorée. Sur choc, choc, choc, choc. L'alternative. Des hits continue. We'll be right back. Salut, c'est Louis-Philippe des Contracteurs. Vous écoutez 70%. Puis j'aime ça, moi, cette radio-là. Je t'aime pas si t'écoutes pas cette radio-là. Ils vont te baiser gentiment et ils vont t'écrabouiller ta turbine à chocolat pendant qu'ils te videront de ton sang. Oh, ils dorment pas dans des cercueils en taffetard. Ça t'a filé le gourdin? Ça m'a filé quoi? Le bâton, tu comprends? Est-ce que ça t'a mis la gaule? Hello, my name is Andy Waddy. I'm listening to 70% at UCAM. I'm enjoying myself. And there are a lot of nice people around. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Vous souvenez-vous d'Andy Waddy, vous aussi? Oui, c'est un des bons moments. C'est un confrère politicien. Oui, joyeux. Ça vaut autant d'allure. En parlant de politique, afin de gagner des points chez les électeurs pour le siège législatif de Pennsylvanie, Babette Joseph a sorti son opposant Greg Kravitz du garde-robe en le déclarant hétérosexuel. Kravitz, qui avait déclaré être bisexuel lors de la campagne, est accusé d'avoir fait cet aveu dans le but de recevoir le vote des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres qui sont très nombreux dans ce district. Fait qu'on demande une pipe. Exactement. Kravitz, qui affirme jouer pour les deux équipes, trouve ses allégations offensives. Ce genre de raillerie rendra encore plus difficile pour les membres de la communauté gay, lesbienne, bisexuelle et transgenre rester dans le garde-robe de se sentir confortable avec eux-mêmes, a-t-il ajouté. Mark Segal, éditeur du Philadelphia Gay News, voit tout ça d'un autre œil. Le Philadelphia Gay News. Nous avons atteint un nouveau sommet quand les candidats se font accuser de faire semblant d'être gays pour gagner un siège. Voilà. Et voilà. D'ailleurs, c'est la journée internationale contre l'homophobie aujourd'hui. Ah ouais? Okay, hein? Merci Bruno. Fait que son geste fait encore plus mal. Hey, voyons. Mais c'est plus de l'homophobie. Hey, vas-y, je vous dis un autre. D'accord, on reste un petit peu dans la politique. On est en Russie maintenant. Kirzan Iyumzinov, millionnaire et président de la République de Kalmoukie, a déclaré à la télévision nationale la semaine dernière avoir été visité par des extraterrestres à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois que l'homme d'État parle de ce genre de rencontre, mais ces allégations de la semaine dernière ont incité Andrei Lebedev, membre du Parlement pour le Parti nationaliste libéral-démocrate, à demander au président de la Russie, Dmitri Medvedev, d'ouvrir une enquête officielle afin de savoir si l'homme d'État aurait révélé des secrets d'État aux visiteurs de l'espace. Dans une lettre au Kremlin, il a écrit « Je vous demande si le président de Kalmoukie a fait un rapport officiel à la présidence russe sur les contacts avec les représentants d'une civilisation extraterrestre. » Il ajoute « Y a-t-il une procédure d'information établie pour ce genre de rencontre par ces gens de haut rang qui ont accès à des informations secrètes et a-t-il, au cours de conversations innocentes, dévoilé ce genre d'informations? » C'est vrai, hein? Parce que c'est souvent de même que ça commence. Ouais, extraterrestre, il pogne quelques secrets, puis après ça, il s'infiltre. C'est ça. Souvent de même que. Ouais. Faut faire attention. Ouais, c'est arrivé souvent. Toutes les invasions extraterrestres, ça a commencé comme ça. C'est ça. Parce que moi, je me souviens pas d'une invasion extraterrestre qui avait pas commencé comme ça. Je n'ai pas de souvenirs. Hey, ben, merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Là, on est comme. On va faire une émission dont vous êtes le héros, là. Elisabeth, tu vas choisir. Soit qu'on va aller vers les I avec DJ George, soit qu'on va poser des questions à notre ami Julien Bernatchez. Les questions à Julien Bernatchez. Parfait. Ah, c'est moi, j'ai préparé ici un petit extrait. Je voulais commencer ça. C'est très important. On l'écoute, puis ensuite, on va revenir avec ça. D'accord. Au temps des légendes anciennes, avant que l'homme blanc ne vienne, il est une orpheline indienne. Silence. C'est ça, tu sais, il va là-dedans. C'est pas absurde que je disais de la fermer, là. En fait, si on a écouté cet extrait-là, c'est parce que j'aimerais vraiment, Julien, que t'en dévoiles un petit peu plus sur toi, puis que tu nous décrives le paysage que ça te fait imaginer, ce petit extrait-là, qui était par recroisé. Cet extrait-là, ça me fait penser un peu à chez nous, dans mon appart, dans ma chambre. L'orpheline indienne, toi aussi? Ouais, l'orpheline indienne, c'est que j'aimerais ça ramener une orpheline indienne chez nous ce soir. Ah, ben c'est fair. Puis si vous aviez des adresses... peut-être. Où les trouver. Ouais, c'est ça. À Montréal, c'est pas l'idéal, je m'imagine. MontrealSingles.com, je pense. Okay. Tu peux peut-être trouver là-dessus. Ouais. Ouais. Puis, c'est une réponse, ça, ce que je viens de faire. Moi, j'adore ta réponse. Oh, oui, c'est t'es allé directement dans la direction opposée que celle que je t'avais imposée. OK, parfait. C'est qui, Lucky Luke? Lucky Luke, ben, je pense pas que tu peux arrêter ça vraiment à une facette, là. Mais... Ben, développe, mon gars. Parle-moi de Lucky Luke. Essentiellement, moi, je trouve, là, pour vrai, là, que Lucky Luke, là, les BD, là, ouais. C'est long. Oui. Puis je trouve que... 44 pages, c'est long un peu. Ça étire pas mal. C'est vrai. Puis, il faut s'en tenir à 12 pages. Ouais, à l'essentiel. Ouais, c'est ça. Puis un peu, ben, ça a la même force qu'Astérix, c'est que ça finit toujours pareil aussi. Tu le sais. Tu sais comment ça va finir. Puis tu t'as pas de stress en lisant ça. Ouais, j'avoue. T'as juste le fun. Mais est-ce qu'on parle de Lucky Luke en tant que personnage ou en tant que BD? Moi, je parle en tant qu'homme. En tant qu'homme. En tant que mâle. En tant qu'homme. Parce que moi personnellement, je trouve que, en tout cas, Lucky Luke, en tant que personnage, c'est probablement un des personnages de la BD les plus insipides de l'histoire de la BD. OK, ouais. Ça, c'est un point de vue, ça. Mais je veux dire, tous les personnages qui gravitent autour de Lucky Luke sont très intéressants. C'est vrai. Mais lui, en tant que Teb... Ils sont pas nombreux, par exemple. Non, ils sont pas... Ben, il y a comme Rentant en plein, ouais, le cheval, les Dalton. Le cheval, les Dalton, puis d'autres mondes une fois de temps en temps. Ouais, là, ouais. Une dizaine de sidekicks, peut-être. C'est vrai que Rentant en plein, il y avait suffisamment de substance qui a eu sa série à lui. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai. C'était pas extraordinaire. Non, ça trouve moins d'être encore plus mauvais que Lucky Luke, en fait, mais bon. Puis comment tu trouves les nouvelles moutures? Moi, j'aime ça, les nouveaux dessins animés, là, avec les grosses couleurs, des fois. Ouais. Ben, j'ai des grosses couleurs. Ouais, ils sont genre tous rouges, là, ils deviennent tous rouges parce qu'ils sont choqués. Comme rouge, comme la colère. C'est ça, puis là, des fois, il est mauve parce que, parce qu'il est gay. Mais Lucky Luke, non. C'est mauve, ça. Joe est gay. Ils se sont appelés. Mais Lucky Luke est pas gay, là. Joe Dalton. On l'a jamais vu avec une femme. Eh, tabarnak. Non, non, mais ça. Ben non, Lucky Luke, ils aiment bien rouler. Moi, en fait, c'est qu'à soir, je lance des rumeurs à propos de Joe Dalton. Pis... C'est pas des rumeurs, c'est vrai, tu viens de le dire. Ben, c'est vrai, je l'ai lu sur Internet. Bon! Mais, ça doit être vrai, d'abord. Penses-tu pour ça que parce que Lucky Luke aussi, il y a comme je veux dire, des histoires de cowboys gays qui s'aiment beaucoup le cheval. Qui... C'est vrai. Qui aiment bien ça, montrer leur dos à tout le monde. Ben, je pense que Lucky Luke, c'est peut-être... Parce qu'il y a une période où on a vu sa jeunesse dans un album très mauvais, puis aussi bon, on voit sa vie adulte. Mm. On n'a pas vu un peu l'adolescence, puis c'est peut-être là, je pense, qu'il a exploré un peu. Il tuait des animaux avec un marteau. Là. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Ça nous prendrait un Smallville de Lucky Luke, donc. Puis, Il peut faire durer ça 10 saisons, 11 saisons. L'adolescence. Puis dans le dernier épisode, tu le vois mettre la chemise jaune. C'est ça. Puis il se fait un toupette, mon gars. Ouais, c'est ça. Il fait le toupette, finalement, avec du sperme. L'épisode qui passe des plays aux rouleuses. Voilà, c'est ça. Mais, puis je pense que c'est à cette période-là qui est peut-être plus explorée, peut-être avec les hommes. Le Far West, parce que c'est longtemps. Tu sais, c'est grand. Le Far West, il y a un bout à chaque bout. C'est loin, c'est fort. C'est dans l'Ouest. C'est dans l'Ouest. Ouais. Hey, toi, mettons, le virage santé, là, à un moment donné, il y avait une brindille dans la bouche, puis il arrêtait de fumer des cigarettes. Là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est correct qu'ils boivent encore? Ah ouais, il a arrêté de boire. Il a arrêté de boire aussi, il boit des jus d'orange, de la limonade. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, en fait. Ouais. Parce que c'est bien mieux de même, dans le fond. C'est, parce, je sais pas, c'était pas un bon modèle. Puis, Mais ça le rend pas l'air, justement, plus gay? Ben, non, mais ça nous donne un shérif plus lucide. Étienne Forêt. Il y a ça. Mais c'est pas vraiment un shérif. C'est pas un en fait. Shérif officiel. Non. Il y a juste dans Daisy Town qui devient shérif. Non, c'est comme un Spider-Man, qui... Ouais, c'est ça. Il y a personne qui a donné la permission, dans le fond, là. Il y avait moins de règlement dans ce temps-là. Mais il y a du rendu, lui. Oui. On va lui donner ça, ben, là. Il fait des arrestations citoyennes. C'est important, ça. On a le droit de faire ça aujourd'hui encore. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, on a le droit de faire ça dans certains cas. On pourrait, il pourrait avoir des lucky-lucks étant modernes, dans le fond. Il y a personne qui... Légalement, on est pas... On peut arrêter du monde si on les... Il faut savoir le speech. Non, il faut juste comme les... On peut les maintenir puis appeler la police. Puis on peut-tu leur dire le speech? Tu peux leur dire leurs droits, si vous avez... C'est ça, ça! Vous avez le droit de garder le silence. Mais est-ce que ça, t'as pas le droit. Faut que tu les dises. Vous avez le droit de quitter si vous êtes capable de... Vous avez le droit de me donner 40%. Mais t'as-tu le droit de le retenir de force, là? T'as le droit de le retenir de force si t'es vu en train de commettre un crime. OK. Puis que t'es retiens de force juste pour appeler la police puis les retenir le temps qui arrive. Là, pas rien que pour fesser dessus pour le faire. Ça va mal appeler puis tenir. Ouais. Souvent, faut être deux. Oh, wow. On peut pas se fesser dessus pour le fun. Ben déçu. Ça dépend, ça prend un Bluetooth. Si t'as un Bluetooth, ça va bien. Ouais. Tu cours après dans la rue en donnant des updates au 9-1. Puis, sinon, mettons, pour booker ça un petit peu sur Lucky Luke, parce que là, on va en reparler encore dans l'émission. Ah, j'espère. OK, ben voilà. Il y a tellement une attitude pure, pareil. Ah, oui. Ça a commencé quand, toi, Lucky Luke? Ça a commencé, je dirais, à l'âge adulte. OK. À l'âge adulte, essentiellement, ouais. Quand j'étais jeune, je trouvais ça, je sais pas, c'est trop complexe. C'était too much. Ben, c'est ça. Il y avait comme 80 albums, tu sais. Il y avait juste Michel Vaillant qui en avait plus. Puis, ça avait l'air insurmontable. Chick Bill, c'est ça. Puis je me suis dit, non, Chick Bill, man. Il me semble que j'ai roulé mes premiers joints là-dessus. Bill. Avec des pages des de Chick Bill. Ricochet. Ricochet, même auteur à Tibet, qui nous a quitté dernièrement. Ah ouais? Ouais, ouais, il est mort, comme le mois passé. Le Tibet est mort. Ils sont tous en train de partir. Ah, c'est ça, ils ont libéré Tibet, l'auteur. Moi, j'aimais bien Kid Ordin. Oui. Dans cette série-là. Oui, je le trouvais drôle. Ah oui, très drôle. Ben, c'est lui qui faisait tout, dans le fond. Dans le fond, c'est les hardcovers de Dargo qu'on est en train de parler. Ouais, ben, si on parle, ben, Lucky Luke a voyagé beaucoup. Hein. La création de Maurice, c'est quoi ça? C'est un Belge de l'espace, là? Il a réussi à passer par la... l'URSS, comment? Je sais pas c'est quoi la question. Non, vas-y. Je faisais un leitmotiv. Ah, vas-y. Non, ben, c'est parce que ça inspire pas mal de Kulik, c'est certain. Tu peux, Dimitri Medvedev. Ben, ça, j'ai commencé ça à 20, 25, 26 ans. OK. Puis là, je suis rendu. J'en ai lu trois à date. Ah, c'est ça ta passion pour Lucky Luke. Ouais, c'est ça. Puis j'ai écouté des Eternals à Ciné-Cadeau deux fois. Puis, Ah, ben la balade des Dalton est bien meilleure. La balade des Dalton. Quand il va au Canada. Ben, c'est pas bon parce que c'est trois épisodes de coller. Trois épisodes du dessin animé collé pour en faire un long métrage. Mais ça a berné personne. En tout cas, pas moi. Ça m'a berné totalement. Bon, nous autres, tu sais, quand ils s'en vont dans la balade des Dalton, là, les Dalton en cavale s'en vont au Canada. Là. Oui. Puis à un moment donné, il y a le Québécois francophone. Puis il y a comme un accent bizarre. Il dit. Là, petit, là, il me fait rire. Là, cette phrase-là, là, on l'a trouvé là. Ah, c'est excellent. J'avais, ouais, c'est vrai, le Québécois. Hey, c'est excellent. Ça fait que ça veut dire que je pense qu'on va mettre juste une petite pause de musique pas longue, là. Pour J'arrête quoi, moi? Vas-y, plug le Jack. J'ai déniché une vieille merde. Oups, je vais te perdre le fil. J'ai déniché une vieille. Je vais te perdre le fil de mes idées puis du iPod. Ouais, j'ai redéniché une vieille marde de quand j'étais plus jeune. C'est une couple d'années, on avait un band de rock progressif, funk, hard rock, je sais pas trop. C'est ton propre band? En fait, moi, j'étais rentré comme chanteur. C'était un band instrumental avant. On a dit, on a besoin de mettre des voix dessus. Puis là, je suis rentré. Puis après deux, trois Eric? Shows, ben, le band est mort. Fait que je pense que j'ai tué le band. C'était avec Eric? Non, c'était pas avec Eric. Mais non. Ah, ben là, ça nous intéresse pas d'avoir. C'était avec. Je les connaissais pas, mais oui, quand même, j'ai nommé à radio. Moi, je sais pas c'est qui, c'est quoi le nom du groupe? Le nom du groupe, c'était. Bon. Le nom du groupe, c'était Berzingue. On va écouter Langue de Vipère. Je trouvais que c'était très représentatif de mes chroniques. Hey, à 70%, on l'écoute au complet. Un groupe qui n'existe plus. Hey, là, ça, c'est comme s'il était zombifié. Un groupe à la MJ. D'une élégance abusée, sortant de la peau putréfiée, tu guettes le moindre de mes gestes, escorté par cette angoisse funeste. Conspirateur, c'est trop sous ton charabia. Je bois tes paroles comme le bon vin que je déguste avant de recracher mes enfants. Hypnotisant les passants, évoquant tes multiples talents, tu m'entortis dans tes filets lourds et de boulet. J'arrive à rima sous-dite, comme céleste me mystifie. Langue de vipère sont les adversaires d'un vocabulaire austère. Le patibulaire veut nous faire taire d'un chimère, c'est éphémère. Le potin populaire qui est pour se satisfaire. Et la poussière sanguinaire au goût des terres, mangeant les viscères des protestataires en colère. Sous braque l'adulation, mes vœux se claquent à l'ondulation. Tu nous émoutilles à l'emboutement de la journée. Mais tes intentions ne sont pas celles que l'on croit. fermé, il me coule des oreilles. Je suis polarisé par une confortable nausée qui me brandit et m'émerveille. Je sors la bouteille et que mal à gueule, je me laisse conquérir et divaguer. Le patibulaire veut nous faire taire de chimères éphémères. Suis-je condamné à errer comme vagabond? Il n'y a pas d'accordéon au Panthéon. Tes dictons de pacotille à meuter. L'heure de mettre terme à ton règne moribond. Il n'est pas question que je laisse mon esprit à l'abandon. Je m'insurge devant tes paroles, j'implore ta damnation. Continue de monter. Avez-vous augmenté le perchlorate? Ça sonne comme un film de cul de l'espace. C'est exactement ce que j'allais dire. Pas à dire. Le perchlorate. Le perchlorate. Il est mort. C'est le, non, c'est non, celui non. qui pose des énigmes dans, en haut de la tour. Ouais, c'est ça, le perchlorate. Tranquillisant. Si j'avais bu votre chère potion, je ressemblerais à votre cobaye, une sorte de légume avarié. Oh. Vous m'aviez bien garanti que ce sérum devait me régénérer, si mes souvenirs sont bons. Une garantie sur votre vie. C'était votre dernière chance. Les filles. Non, non, mais vous le savez. Vous avez vu que ça marchait. Sur des animaux en laboratoire, oui, mais sur les 9 cobayes humains, jamais. Je sais que suite à cette explosion, je suis devenu infirme. Mais le peu qui reste de moi est toujours humain. Non, attendez. Attendez, il y a un homme qui survit au sérum. Ça rime. Qui donc? Devine. Le docteur Arthur Duncan. J'ai bossé avec lui à State Tech. Son fils le supporte depuis 2 ans. Et il est vivant, bien vivant. Dites-moi qui est ce docteur Arthur Duncan. Il est décédé l'an dernier. On avance. Oui, ça progresse. Vous avez 2 secondes pour tout me dire avant que mes assistantes vous transforment deux en hamburger. 2 secondes pour tout te dire. Son fils Billy était atteint d'une forme très rare d'anémie. Sa mère en est morte. Arthur était désespéré. Il a injecté à Billy ce sacré sérum. Ensuite, il a tout détruit, ses notes, ses disquettes, et il a quitté la ville avec sa femme et son fils. Savez-vous où il est parti? Il est au nord de New York, à Watertown, dans la ferme de sa seconde femme. J'y suis allé quand Duncan est mort. Comment se portait son fils? miraculeusement bien. Mais s'il ne prend pas régulièrement ce sérum, son anémie revient. Combien de temps le sérum fait-il effet ? Je n'en sais rien. Mais une dose doit lui faire assez longtemps. S'il a besoin d'en prendre régulièrement, ça veut dire deux choses. Ou il a un énorme stock devant lui, ou quelqu'un peut lui en fabriquer. Sa belle-mère est-elle capable de reproduire ce sérum ? Oh non, ça m'étonnerait. Lorna était la plus mauvaise assistante qui ait eu. Je me demande pourquoi il l'a épousée. Oui, j'aime ça parce qu'il nous compacte toute l'histoire. J'aurais plus besoin d'en parler. C'est un prodige en chimie. Combien de temps dure ce sérum ? Vous n'aurez pas comme ça. Il a juré à son père que cette formule resterait secrète. Il lui a promis sur son lit de mort. J'arriverai bien à le faire parler. Toi, Étienne, t'as fait dans cette semaine? Et j'aimerais juste que te dire qu'à la fin du film, je vais mourir. Dans sûrement en souffrant. C'est le film que le gars, il faut qu'il couche avec sa mère? Ouais, c'est ça. Ah, oui, c'est un des boss du milieu du film, à peu près. Avec ça. Faut qu'il couche avec sa mère. C'est pas vraiment sa mère, c'est sa belle-mère. C'est vrai, ouais, c'est sa belle-mère. Il l'appelle maman. Je salue ma belle-mère en passant. Ah, c'est ça. Ça, c'est le nœud, en fait. Là. Il s'est entré avec ça, là. Maintenant, l'essence du sérum peut être transmise sexuellement. Ah, voilà. Oh! Et voilà, on a l'intrigue. Et voilà, c'est pour ça que la belle-mère va vouloir coucher avec son fils. Il y a une phrase que je veux absolument vous faire écouter avant de poursuivre l'exploration de ce classique des anticlassiques de 97. Julian Grant, ça a vraiment... Écoutez bien ça. C'est plus l'ordinateur. Gros plan sur la belle-mère. Fait que c'est ici c'est que ça, vous okay. l'avez l'avoir entendu. C'est une phrase qu'on ne dit pas assez souvent. C'est gros plan sur la belle-mère, vous l'avez entendu la à 70%. À 70%. C'est raconté par Roach, qui est en fait Coquerel en français. C'est son nom en tant que boss des méchants. Caracha en espagnol. On a compris juste à son ton de voix qu'il était méchant. Tu sais, quand il commande la nourriture à take-out, ben, c'est tout le temps après, puis la commande, il n'y a pas de trouble parce que le monde savent qu'il est méchant en l'écoutant. Ouais. Electra avec un C, c'est encore un film qui pousse à la nostalgie. On en a fait de la trail depuis cet épisode de Fantasia en 96, me semble. Barrette, que ça me fait plaisir de saluer, à qui l'on doit le terme douteux avec des cartes, là. Bone, mon petit frère noir que j'adore, David qui projette encore pour nous, et Caro, un des gars les plus drôles que j'ai connus et pour qui j'ai plein de bons mots. On était 5 gars en viril en devenir qui ont fait la balade de Val d'Or jusqu'à Montréal avec un tape-cul pour venir savourer du cinéma divergent. On avait assez thématiquement d'ailleurs acheté le nouvel EP des excellents G-Squad, incluant le hit « Aucune fille au monde »,« Bébé » et « Red dingue de toi ». On s'est tapé un côté de cassette entre chaque autre côté de cassette qu'on écoutait. Fait que je connais encore presque toutes les chansons par cœur. C'était vraiment bon. Là. Dans le livret, il y avait plein de belles photos en gros plan. Évidemment, on avait chacun le nôtre. Hein? Moi, je suis lui. Moi, mon préféré, c'était Andrew, celui qui ressemblait à un ours mal léché. Et je suis fier de vous annoncer qu'après maintes discussions, on s'est tous mis d'accord pour dire qu'Andrew était le plus hot. Je les ai toutes converties. C'était le plus mal léché. Andrew, c'est le king. On s'est aussi tous mis d'accord pour dire que le plus laid des bonhommes Humpty Dumpty, c'est le Mexicain des nachos. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec le pourquoi du film, de pourquoi qu'on est là. Le film de ce soir, c'est de Julian Grant. Là, j'ai fait une petite arborescence. Là. Loin d'être un pseudo ou une porn star, parce qu'il me semble. Ouais, hein. Le gars a quelques autres réalisations notoires à son actif. 4 épisodes pour la télésérie phare que fut Robocop, Prime Directives, on a parlé tantôt, ainsi que le très controversé Crazy for Christmas en 2005, suivi immédiatement du révolutionnaire Christmas in Boston la même année. Ça, ce sont des couilles de créateurs. Tiens, là, 2 films de Noël, la même Noël. Tu te fais compétition à toi-même. Mais t'as confiance en ton propos. Tu sais que ton film de Noël, que le couple divorcé finit ensemble à la fin dans un procès qui a de la poudre magique de Père Noël, là. Ça va bien aller en tabarne. Pourquoi je pense à Mighty Ducks joué par Emilio Estevez? Là? C'est une excellente pas pire de choses parce que je m'en vais justement vers ça. Parce qu'on remarquera également que Julian Grant a dirigé l'excellent Steve Guttenberg en 1997 dans Airplane, dans le rôle qui défia le monolithe qui est devenu son personnage mythique de Mahoney dans les quintessentiels Police Academy 1 à 19. Également, comme il y avait Combe Fior dans le film Airplane, Julian Grant est à un contact près de Patrick Huard. Ben oui. Et donc, d'ailleurs, grâce au fait que Combe Fior était le méchant dans le génialissime Les Chroniques de Riddick, avec le titan de l'acting, Vin Diesel, à peu près tous les acteurs actuels d'Hollywood sont à deux contacts maximum de Patrick Huard. Wow. Ou de Julian Grant, le réalisateur du film de ce soir. Si c'est pas des merveilles, ça. Ou à trois contacts de Annick Jean. Bouillard. On avait le droit d'en parler. Faudrait amener un toutou puis l'appeler Annick Jean. Ça serait cool. Le toutou de Danny Daniel Gabriel, on pourrait le rebaptiser comme ça. Danny, tu l'as entendu? Ouais. On vient de le trouver, ton nom de toutou. C'était la... C'est Annick Jean. Appelle-nous, là, passe-nous le téléphone. Juste 6 mois, tu sais. Hey, ça veut dire que, passer ça, là, il y a des séquences lascives en arrière. Là, on va revenir écouter des... Ah, ben, je pense que je vais le mettre là. Parce que ça s'est fait d'un trait, là. Là, Shannon Tweed, qui est la belle-mère, est allée prendre un bain. Ah. Et pendant le bain, elle est comme devenue horny de son beau-fils. Là. Écoutez ça. Je salue ma belle-mère en passant. Moi aussi, je la salue. Ça dure 50 secondes. C'est ça. T'inquiète pas, maman. Je sais ce que c'est. Papa m'a expliqué que ce sérum devait aussi décupler mon pouvoir de séduction. C'est comme si je pouvais faire n'importe quoi. Il fourrait ma sans belle-mère. Même vraiment le vouloir. Comme quoi? Comme tout à l'heure. J'ai vraiment dû lutter pour résister. Non. Le mieux, c'est d'oublier ce qui s'est passé. Je t'aime fort, tu sais. Moi aussi, je t'aime fort, Billy. On va continuer à vivre dans la ferme familiale en ermite tranquille, loin. Je t'aime fort, Billy. Étienne, DJ George, la lettre I. Lettre I, c'est beau. Lettre I, j'ai deux I. Ok, on a le choix. J'étais surpris, moi. Je sais pas avec lequel commencer. Là. Un gros plan sur la belle-mère. ND2, ça serait go. Ouais, je vais y aller avec. Écoute, j'ai déjà fait jouer ici, là, puis je la trouve bonne. Puis c'est drôle parce que c'est un I, puis ça devrait pas l'être. Puis j'ai le droit. Puis je fais ce que je veux. Anyway. Hein? C'est la chanson E.T., t'es mon ami. Oh. Où E.T. est écrit I-T-I. Ah, ok. Alors, je vais voir ça. C'est une petite fille qui s'appelle Marilyn. Ouais. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, moi aussi. Mais écoute, je suis le début, c'est bon. C'est funky. Nous autres, on a comme fait une année de plus avec Étienne aussi. Ouais. Moi, comme je dis toujours, la bass slappée sur le Casio, c'est un de mes sons préférés. Suite oh! Hey, ça te prend des couilles en hostie, faire rimer spatial avec spécial. Mais ça. Captain Cosmos l'avait fait avant elle. Hey, c'est fade, hein? Oui, hein? Au moins, on a déjà fait notre premier refrain, fait qu'on peut lui demander de souffrir. On peut passer à suivant. C'était pas le bridge? Ah. C'était. Non. C'est un refrain. Pas intense, hein. Elle a pas dit E.T. t'es mon ami encore. Ben oui, mais ça, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'on parlait en même temps. Attends, là. Ah, Chris, on a bien fait d'attendre. Ah ouais. Pour la vie. Ça, c'est le bridge. D'abord, c'est quoi le refrain, là? Je comprends plus rien. On va l'écouter au complet. Ça, c'est pas le bridge. C'est quoi le bridge? À se taper E.T. la nuit, là. Peut-être pas de bridge. J'ai déjà fait une tune pas de bridge, moi. Hein, t'es fou! Ah, il est capoté. Comment t'as fait pour traverser à l'autre rive? Ah, mais lui, il est bien innovateur. Hein. Nouveau genre, je reste du même côté. Il révolutionne la musique. Bon, next. J'enchaîne avec les intrigantes. Les Intrigantes, c'est la toune des mets chinois. J'aimerais ça qu'on l'écoute comme il faut, au moins jusqu'à temps qu'elle ait énuméré beaucoup de mets chinois, c'est drôle. Jusqu'à temps qu'au moins elle ait énuméré beaucoup de mets chinois. Pas un ou deux, là, on en entend plusieurs. Donc elle, le concept de ça, c'est qu'elle aime pas les mets chinois, mais est prête quand même à y goûter. Puis elle a une bonne façon de prononcer leur nom. C'est dans le temps que les mets chinois, c'était nouveau ici, là, en 66. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas, mais pas du tout les mets chinois, de tous les gens s'en fout. Et partout où l'on va, les restaurants ne portent plus que des noix et noix en chop suey, chow mein, egg roll, chicken soup, un monde où gargant, des mots accouchent d'or. Mais il y a une chose que je dois vraiment vous dire, que j'ai honte de vous, car ça vous fera sourire, c'est que je n'aime que les nouilles et puis les wonton, mais je suis prête les tout au moins à tout goûter les chop suey. Chemin. Chemin. Chemin. Ça, je sais pas c'est quoi. Oh, chup tout le monde, ouais. Bon, ça dit tout le monde là-dessus. Ça nous rappelle la douce époque que tout pouvait être une chanson. Ouais, ouais. Oui, à ça, c'est plus de même. Clic-clac, je me coupe les ongles de terre et on revole partout. Ben, voilà. Ou Mozart, là, avec sa cinquième. Là. Non, la net, tu peux faire tout avec n'importe quoi. Celui qui a inventé le pop, man, c'est Mozart. Ouais. Oui, c'est clair. La liqueur, tu parles, là? Bon, tu le soda pas. Ah, il y a next. Ok, ben là, c'était mes deux i pour aujourd'hui, fait qu'on va y aller avec les j. Ah, merci. Chemin. Chemin, pensez-y quand vous mangerez un chemin. J'espère qu'il n'y a pas de jaunard, ça, en tout cas. Non, ben non. C'est malade. Non, par contre, il y a Madame Victor Paré et Madame Léopold Dussault. Moi, j'aime ça des madames qui ont des noms de leur mari, là. Oui, Léopold Paré, qui n'existe pas pantoute en elle-même, qui nous chante « J'ai cueilli la belle rose ». Allez voir, on va voir combien de temps vous êtes capable de faire ça. C'est insupportable. Okay. Israël, lâche vite. Ouais, c'est parce qu'il te fait confiance. C'est ça, c'est d'avance, ça, c'est pas une perdue. Attendez qu'il chante, ça va être bien pire. Ça va être bien meilleur. Tu es capable de les différencier? Non. J'ai cueilli la belle rose. Mademoiselle X est plus capable non plus. Il reste 5 personnes en jeu. Il reste combien de temps la chanson? Il reste 2 minutes 48. Combien de temps vous pensez que ça fait qu'on écoute ça? Moi, j'aimerais une autre minute. Donne 2 piastres. C'est pas beaucoup 2 piastres, là. C'est tout ce que j'ai. Moi, je suis prof au cégep, je gagne plein d'argent. De T-Tax. C'est ça. Ça fait une minute. C'est fort. C'est le tiers. C'est parce que là, on a une pause qui chante plus. C'est le bridge. C'est quand même un bon truc pour le monde qui sont rendus vieux puis qui disent « Le temps passe ben trop vite. » C'est ça. On peut jouer ça en loup. Justement, ça vient d'un album complet indiqué par des vieux qui trouvent que le temps passe trop vite. Probablement. C'était l'album 33 tours de l'émission « Le temps de vivre » Radio-Canada. Excellent album. Oh, wow. Ben, en tout cas, moi, je suis plus capable. Je suis pas vous autres, là. Tragic. Laisse tomber aussi. Je suis plus capable, mais ça recommence, là. Je recommence à aimer ça. Un second souffle. Tu recommences à aimer ça? Ouais. OK, on peut skipper, là. On y reprend à goût. On dirait qu'ils sont en train de hanter quelque chose. As-tu un autre J sous ta jupe? Ouais, OK, arrête, là! OK, on va l'arrêter. On va en faire 1 minute 49. Ah, ben, c'est quand même. On a même pas écouté 2 minutes. Chris, il y a un inconnu qui est rentré puis qui avait l'air en tabarnak après toi. Dans ce correct, j'ai dit de s'en aller, mais t'as skippé à toune, fait que ses yeux se sont comme vidés de la malice. Oh, juste à temps. OK, ben on va y aller avec quelque chose qui est peut-être aussi difficile à endurer. C'est Jacques Lecomte. Jacques Lecomte, c'est un Français qui fait des super bonnes chansons. J'ai 5 chansons à vous proposer. Donc, un chiffre de 1 à 5, là, X. 7. 3. OK. Fait que 3. Donc, on épelle le mot 3 prévisible. À l'envers. OK. Non, 3. Je retrouverai mon ami Joe. Fait qu'on a 2 J supplémentaires non, en plus. Non, je peux pas celle-là. Ah, trop tard. Là. C'est bien les filles, ça. Ouais. Ça, je t'ai dit. Mets tes couilles à la table, bien sûr. Fait qu'il dit qu'il aura pas peur. Dans ce temps-là, il n'y aura pas peur de mourir. Parce qu'il va retrouver son ami Joe et tous les autres amis morts qu'il y a. Hey, ça fait vraiment s'il sauna, y a ça. Une vie après la mort, lorsque je m'en irai d'ici, j'irai rejoindre mes amis. Ne pleurez pas trop sur mon sort. Non, ça remonte la morale. Ah oui, hein? Temps, c'est ce qu'il y a fait, qu'elle soit. Désolé, tout le monde. Je veux pas prendre le 3, j'ai dit 2. On dirait un auteur-compositeur-interprète français. On dirait, hein? Ouais. Ça sonne comme ça, je trouve. Il se croit un peu aussi, hein? Non, mais on sent qu'il y a des émotions, là. Il y a au moins une personne qui le croit. Ouais. Je veux pas comprendre. C'est ça. Tu peux pas comprendre, bande de psychopathes. Hey, c'est les émotions qui font qu'il y a pas de talent non plus. Il t'en reste. Il en restait une ou quelques autres. Tu pourrais en mettre une au complet, mettons, une planifiée spéciale. Pas celle-là, par exemple. Là, non, non. Je viens de switcher à la 2, là. Juste pour vous montrer que je chante aussi en anglais. Pourquoi t'es content? C'est la même affaire. Ça s'appelle chanter. Ça s'appelle de l'anglais, ça. Ça avait l'air d'un autre bout de la toune, effectivement. Mike Ron. Tu bandes pas et que c'est pas la meilleure. Peut-être au monde. L'anglais. Prochain artiste, prochain artiste. Que ça s'appelait. Ça s'appelait. Tu m'as Ballad for a Blues Day. Donc voilà. Il s'exprime très bien, lui, dans la langue de Farinet en anglais. Sinon, OK, un autre. Farinet. On peut en mettre une pas pire au complet. La semaine passée, Tommy, juste au bon moment pour que je puisse l'enregistrer, tu m'as passé un disque de Jérôme Lemay. Oui. On apprécie d'ailleurs le titre de l'album qui s'appelait Le meilleur de Jérôme. Ah, bravo! Et puis, j'ai trouvé ça drôle parce que c'était en même temps que Simon, pas Predge, mais Simon Maltais Morin nous a donné le disque de Jonathan Roy, dont on a lu quelques extraits la semaine passée. Double J combo, man! Ben oui, puis Jonathan Roy, quand j'ai mis l'album dans mon lecteur, dans mon ordi, il se connecte à FreeDB pour trouver les titres là, des tracks, là. Puis Jonathan Roy, il les trouvait pas, puis Jérôme Lemay, il les a trouvés. Fait que, tirez en vos propres conclusions. Je vous propose d'écouter ici la version anglophone de Méo Penché, qui s'appelle en anglais The Big Bad Man, tout simplement, par Jérôme Lemay. Ça, c'en est une qu'on pourrait toffer du début à la fin. C'est sympathique. Oh. Là, on va faire un combat de puces entre Predge et Israël, voir c'est qui revient. C'est bon. On a gagné. 12 years old with just one hand, he could leak most any man. This big bad man, Méo Penché. Like father, like son in the barber shop. One day he almost caused a riot. Just because he got sad, he gave the client a jab. Whoa, whoa, whoa, Méo Penché. Looking at his father right in the eye. He shouted, for this kind of job, I'm not the guy. With my fist, one day, Dad, you'll see. I'm gonna be as great as Ali. That's the day he ran down to the gym. Ready to break heart, bone, and skin. Don't get mad, said his manager. You might kill your challenger. Oh, oh, oh, you won't say. With his fist of arm, he did all right. No one as strong as him in sight. Winning all the fights by far, rising up to be a star. This big bad man, Méo Penché. And by now his head was in a whirl. Heavyweight champion of the world. Money, girls, and casino. Too much fun, just spoil the show. Whoa, whoa, Méo Penché. Like father, like son in the barber shop. I might have to go back, he thought. But Mill's the real fighter. Today he's a senator. Oh, Méo Penché. Whoa, whoa, whoa. Whoa. Méo Penché. Dans ce trois rangs, on risque pas de voir passer une minette. Ah, de retour en nouvelle avec un bloc personnes qui font des choses qu'ils devraient pas faire. Ça va venir du Japon. Non, même pas. Alors, on va en Chine. Xiao Chen s'est retrouvé dans une position difficile après avoir décidé d'aller se baigner dans la rivière Gangjiang tard la nuit. L'homme de 25 ans a approché ce qu'il croyait être le bord de la rivière et a commencé à couler dans la vase jusqu'à la taille. Même s'il avait un téléphone cellulaire, Xiao était si embarrassé par sa situation qu'il n'a pas appelé à l'aide pendant 4 heures, préférant essayer de se sortir lui-même de son pétrin. Il a fini par arrêter deux pêcheurs qui passaient par là pour de l'aide. Ces derniers ont appelé les pompiers qui ont pris à leur tour 7 heures de plus pour le libérer. Leur tâche a été rendue encore plus difficile dû au fait que Xiao ait refusé de retirer ses pantalons afin d'être plus facile à déloger de la boue. Il avait peur d'être plus embarrassé. Mais oui. Parce qu'il aurait montré son pénis. Ouais, c'est ça. Il a dit, vous allez prendre 4 heures de plus pour que j'aille montrer mon pénis pour pas être embarrassé. Next. Un homme de 23 ans a souffert des blessures graves et a dû être transporté à l'hôpital en hélicoptère la semaine dernière après être sauté hors d'un véhicule en mouvement. Le rapport de l'officier Blake Neblett dit que l'homme qui voyageait avec sa femme et ses trois enfants sur l'autoroute avait une dispute avec sa femme et lui aurait demandé de se taire. Lorsqu'elle a refusé, il a sauté hors du véhicule. Oh non! Il est dans un état critique mais stable à l'hôpital universitaire de Vanderbilt à Nashville au Tennessee. Puis là, on parle pas de sa santé physique, là, on parle de sa santé autre ailleurs. Hey, on s'organise une gang avec un boss jaune, puis on y va. Ça ressemble à la nouvelle du gars qui s'était mis une hache dans la tête parce que sa femme, elle gossait trop. Ah oui, un autre héros. Vous voyez, qu'est-ce que vous nous faites faire? Troisième, même, tu nous as conquis, là. C'est bon. En septembre dernier, le gouvernement britannique a lancé l'initiative de repenser ou de bannir les pintes traditionnelles des bars et des pubs dû au nombre de blessures et de morts causées par ce genre de récipient. Il semble que la population du Royaume-Uni a une fâcheuse tendance à casser ses pintes afin de s'en servir comme arme. Le service de la santé nationale a estimé que ce genre d'attaque arrive à 87 000 par année. Ces statistiques sont discutées puisque l'an passé, 5 500 personnes ont été attaquées de cette façon en Angleterre et au Pays de Galles. Bien sûr, il se peut que 81 500 Écossais se soient fait attaquer ou encore que chacune de ces personnes se soit fait attaquer 15,8 fois, mais je m'égare. Les Britanniques sont déterminés à diminuer ces attaques, ont lancé une compétition afin de designer une pinte plus sécuritaire. Le secrétaire Alan Johnson a dévoilé les designs gagnants en février, un verre trempé, là, comme les vitres de pare-brise, un en verre renforcé qui est une pinte ordinaire traitée avec une couche de bio-résine. Pourquoi pas juste un espèce de gros récipient en carton avec une paille de McDo, là? Comme l'affaire pour faire plastique. C'est une affaire plastique. Ça coûte moins cher. En métal. Des gouttières, là, que ça coule en haut. C'est dangereux, ça aussi. Vous êtes trop tard pour le concours, les gars. Ouais, là, tu m'as dit ça après, là. Hey, ben, merci beaucoup, Bruno. On va y revenir plus tard. Là, présentement, on va checker ça. Oh, gros match. Ouais, moi pis Fred, on va se chicaner pour la prochaine chronique. Donc, ça va être un rush-papier-ciseau de l'enfer. OK, t'es-tu prête? Ouais. Rush-papier-ciseau. Cool! J'ai gagné. Est-ce qu'on fait des playoffs? Un 2 de 3. Un de 1, là, j'ai gagné. J'ai pas le goût de le donner. Je t'ai même fait de la toune de Final Fantasy. Tu sais, c'est pour ton level. Yes, hey, merci. C'est qui a gagné, man? C'est toi qui a gagné. On va être en théâtre. On va rentrer en personnage. Tu veux-tu mettre la toune? Ouais. Ah, ben, ok. Ouais, là, cette semaine, j'ai encore trop entendu parler de la calisse de banquise, là. Puis je commence à en avoir plein l'anus, puis ça déborde du côté du prépuce sous forme de pus jaunâtre qui prend la forme de mon aura brun dans mes draps. Pour mettre ça au clair, pour tous ceux qui habitent pas Montréal, esti, c'est quoi la banquise? C'est un petit restaurant branché qui sert pratiquement juste de la poutine 24h sur 24. Jusque-là, ça va. Ils font bien ce qu'ils veulent, c'est pas mon esti de problème. Sauf que là, tout le monde veut leur esti de poutine, là, esti, pis je suis plus capable. Fuck la banquise! C'est de la calisse de marde! Elle est pas bonne, leur poutine, c'est bol! Je peux te donner 25 places à Montréal où elle est moins chère pis pas mal meilleure. À chaque fois qu'on me traîne de force la bouche, je suis déçu parce que mes frites sont trop vieilles, trop cuites, pas assez de sauce, le fromage est sec, sans compter les éternels grumeaux dans leur hostie de sauce cheap. Pas capable! Si vous voulez le secret de la sauce, hostie de la banquise, je vais vous le donner. C'est de la sauce de Marc Bertollet, c'est fait à Laval, Vauxyeul, Arrange. Vous. Fait que pourquoi c'est populaire? Me suis posé la question, moi, et j'en suis venu à la conclusion que c'est la même chose que c'est Schwartz. Ça, c'est le resto de Smoke Meat Saint-Laurent, là. Ouais. Reconnu mondialement, il paraît, là. Pourtant, ben, leur Robert Smoke. De Niro, toi qui aurais une opinion là-dessus. Hey, ça colle, les tu de ouais, ça, c'est man. Tu sais, leur Smoke Meat, Austin, ouais, il est fucking sec, pis ça goûte à rien, vierge. Comment ça se fait que c'est aussi populaire? À chaque fois que les gens sont plus que trois, ils veulent juste aller manger à Banquise ou chez Schwartz. Sauf que t'es tout seul avec un entre eux, pis ils t'admettent qu'ils en ont rien à crisser d'aller là ou ailleurs. Conclusion, c'est juste des hosties de moutons, tabarnak. Tout le monde veut être hip, tout le monde veut être hot, tout le monde veut être branché, pis ils veulent être à la mode. Pis ça a l'air que ça veut dire manger aux places à la mode sur le plateau. Plein le cul! N'empêche, je dois applaudir l'équipe de marketing de ces deux places-là parce qu'ils ont réussi à faire croire à tout le monde que c'est eux autres les meilleurs. Quand c'est plus dégueulasse, est-ce que ça m'écœure? Voulez-vous des exemples? Je vais vous donner des exemples parce que tu pourrais expliquer mon point, là. T'es arrivé quelque chose la semaine passée qui explique très bien tout ça. Vous en avez sûrement entendu parler. La semaine dernière, il y a eu un crash boursier à Wall Street. Tout le monde capotait. Tu voyais les petits chiffres virer fous sur les écrans. Tout le monde vendait. Les prix chutaient. C'était le chaos pendant toute la journée. Ça s'est replacé dès le lendemain, mais on va avoir des répercussions pour encore une couple de semaines, là, cette histoire-là, là. Mais Chris, ils l'ont trouvé le coupable. Ce qui est arrivé, c'est que c'est un gars qui a mis, en vente 1000 parts de quelque chose en vente, là. Tu sais, 1000 actions, là. Mais il s'est trompé puis il a mis un zéro de trop. Son clavier, ce qui fait que bon, là, ça donne 10 000 actions au lieu de 1000. On parle d'une grosse différence. Ça a l'air de rien de même, mais s'il n'y a pas assez de chance pour les acheter, ces actions-là, ben, c'est la déroute. Les prix des actions dégringolent, sti, pis tout le monde capote. C'est le chaos économique qui nous met dans la marde. Suffit d'un gars qui se trompe d'un seul chiffre sur son clavier, pis paf, si tout le monde va être complètement dingue. Je sais pas s'il a pu garder ce job, mais je te jure que si c'est moi et son boss, sti, je t'y aurais frotté en face sur un mas, tu cours jusqu'au sang. Sa mère l'aurait pas connu, le petit calice. Sûrement un autre qui a marié la fille du boss. En tout cas. En voulez-vous d'autres histoires de suiveurs? Le Canadien de Montréal! Tu sais, les hosties de pousseux de bouse, là, payés à coups de millions, hosties fournis par la vente de cosses en plastique qui vont finir au dépotoir. Ben, la semaine passée, il y a eu une crise de manifestation, là, qui ont gagné. Tout le monde en a entendu parler, là. J'apprends rien, hosties. Sinon, ben, Chris, je sors de chez vous, tabarnak. Hosties, ben, il y a peut-être le monde, les fermiers de Saint-Joachin qui ont pas entendu parler de ça, là, mais tu penses à la crise, deux autres, anyway. Bon. Là, moi, je comprends pas comment le bonheur de la victoire du Canadien pousse les crêpes à tout casser. Mais ça, des caves, c'est des caves, hein, y en a partout. Mais là, si on l'avait vu venir, là, moi, j'espérais que les Canadiens se rendent pas trop loin en finale, parce qu'on savait tous que c'est ça que ça donnerait. Toute une bande de calices d'innocents qui foutent la merde en klaxonnant pis en gueulant « Alec! Calice! » Mais mon point est celui-ci. Je vous apprends rien, c'est encore une bande de tarlats qui attendait juste ça. L'opportunité de tout casser pis de voler les magasins, il était peut-être juste 5 ou 6, mais comme les Québécois, c'est tous des calices de moutons aveugles. Tout le monde s'est garoché dans le tas, se transformant aisément en débile léger, attiré par le parfum du fumier. Sont comme des mouches, asti, quand y a de la merde, ça se rassemble autour pour rien manquer, asti, comme des charognards, des vautours. Tout le monde veut goûter, tout le monde veut rien manquer. Asti, y a qu'au vers la merde pour se foutre la face dedans pis inspirer un bon coup. Asti, qu'est-ce que tu veux? On l'aime notre merde. On se bourre la face, on se roule dedans, on passe en caisse pis on en redemande. Les plus fanatiques deviennent médecins spécialistes en toucher rectal ou douaniers pour les foules anales, esti. C'est comme voter, esti. J'ai arrêté ça, moi. Je vous l'ai déjà dit en ondes. C'est comme choisir la couleur de sa merde. C'est comme quand ils ont sorti le ketchup bleu pis mauve, là. On s'en calisse. Ça goûte tout pareil, sacrement. La merde. À bouette, esti. À force de se bourrer en face comme des gros porcs en se lavant dans nos rats de bouette, on se ramasse avec un peuple qui a des problèmes d'obésité. Puis là, on est pogné avec des armées de gros qui se plaignent que les sièges d'un théâtre et des cinémas sont trop petits pour leur gros qui gigantesque de Gargantua au parfum de bouse encore fumante. Mais là, j'ai lu qu'ils ont trouvé une solution contre l'obésité. Êtes-vous prêts? Ils veulent taxer les boissons gazeuses pis les boissons énergétiques. Oh yeah! Parce que tout le monde sait que la liqueur est, si est trop chère pour les pauvres, on aura plus de gros Québec, voyons, c'est connu. Ah, cette bande de crétins de tabarnak. C'est aussi évident que le talent de Nathalie Simard, ça. c'ti. Non, mais voyons donc, oh, Alice, c'est le dé de qui, ça, tabarnak? Ça doit être encore Louise Arel, là, ou l'autre petite conne de ministre, Marguerite Blais, qui voulait envoyer des clowns pour distraire les petits vieux des résidences de personnes âgées. Asti, qu'ils sont niaiseux, calice. Je peux pas croire qu'ils pensent que la solution, c'est toujours ça, asti. Leur ciboire de taxes. À tous les problèmes, c'est des taxes. Des taxes pour n'importe quoi. Y'a plus d'eau, on va être taxé. Le monde fume trop, on va être taxé. Les gens passent trop de temps au téléphone, on va les taxer. Y'a plus de télé de qualité, Chris. On pourrait taxer. Le kid a un sacré beau manteau dans la cour d'école. Hey, on va le taxer. Nos politiciens font rien, on va les taxer. Hey, on a pas assez de pétrole, on va les taxer. Le monde est crétin, on va les taxer. La terre est en déroute, la nature s'effondre. La planète court à sa perte, on va mettre des taxes mur à mur. Profitons-en pendant que ça passe. Tapissons la vie de facture. Barricadons-nous derrière nos factures. Si on voit plus la lumière du soleil, au moins, on évitera peut-être le cancer de la peau. Sinon, on taxera ceux qui le pognent, tu sais. C'est bolac que ça goûte la piste tiède, c'est ce que je raconte. Veux-tu? Je vais t'en donner un truc, moi, pour arrêter l'obésité. C'est bien facile. Fais des emballages qui sont pas ouvrables, asti. C'est connu, les gros, c'est tous des paresseux. Toutes des astis de pétanque. J'ai un exemple très, très d'actualité. Cette semaine, je me suis acheté un coupe-poil de nez. Ben oui, c'est pas parce que je postillonne de la merde à la journée longue que je peux pas être propre, moi aussi, hein. Bon, anyway, on s'entend, là. C'est juste un coup... Poil de nez. J'ai acheté un coupe-poil de nez cette semaine, moi. OK. Je respire bien. Les ciseaux étaient trop gros pour tes petites narines. Et voilà, t'as-tu compris? Moi, j'ai une grande gueule, mais j'ai des petites narines. N'empêche. Ça m'a pris, je vous le jure, une... Puis ça, c'est vrai, là, OK? Bon, c'est pas le personnage, là. Ça m'a pris une calice de demi-heure, au vrai. Mon assis d'emballage de coupe-poil de nez, man. Si j'ai jamais vu ça. Je sais que l'emballage coûte même sûrement plus cher que le rasoir en question. En gros, j'ai dû m'étirer un muscle. Je me suis coupé le bras. Me suis, si scratché la cuisse. Me suis gratigné les mains. Me suis brûlé, si au point d'avoir besoin d'une sieste pour finir la journée. Puis quand j'ai réussi à l'ouvrir, le rasoir, il était éjecté comme une fusée dans les airs, si ça a volé partout sur le mur, mais il m'a rebondi dans la face, tabarnak. Imagine si c'était de la bouffe. T'sais, admettons que t'as assez faim pour passer à travers de l'emballage. Ben, ta bouffe, elle se pitch dehors comme un feu d'artifice ou un canon de confetti, man. Après 3 mois de ça, je te jure, il y en aurait plus un esti de gros, man. Je suis sûr qu'on aurait même pu, esti, on aurait même une coupe. Je suis plus qu'à parler, tabarnak. Mon esti d'emballage, vraiment, à Christ. On pourrait donner la même chose à nos vieux, esti. On n'aurait pas besoin d'en désachever, esti. On pourrait s'en débarrasser pour de bon. On n'aurait même pas besoin de les tuer, esti. On en pourrait arrêtez, esti, de payer plus les gros pis les vieux, en tout cas. Mais là, tu sais, je voulais en venir avec tout ça, moi, calice, là. J'ai en train de me perdre. Ah oui, c'est ça! Hey, les gros, là, c'est ça. Arrêtez de voir faire comme tout le monde, là. Fuck la mode, là. J'en ai plein le cul. Je vous invite profondément à boycotter la banquise pis le Schwartz. Parce que c'est de la merde. C'est pas vrai que c'est bon, pis c'est pas, si, pas parce qu'il y a une file en avant que c'est bon. C'est parce qu'on est suiveux, esti. Au Québec, aussitôt qu'on voit une file d'attente, faut qu'on se crisse dedans. On sait pas jusqu'où ça va, mais c'est pas grave. Ça doit être intéressant, le monde attend en file. Fait que je vais faire des rondes cette semaine, puis je vous watch. Ceux que je vois voir en esti de banquise, là, je prends vos noms en note, puis vous allez recevoir un esti beau paquet de marde par la poste, esti, emballé avec du papier d'emballage de Noël, esti. Je vous ai à l'œil, là. J'aimerais, esti, j'assumerai l'entière responsabilité des tranches de fromage Kraft collées à grandeur de ton char au gros soleil, qui fondent puis qui te collent à la peau pour te ramener en pleine face le fait que t'es gros, puis que le jaune orange salé, ça fait pas partie d'un groupe alimentaire. Ah, pis là, je parie, esti, que tu veux tes hosties de potins inutiles dont tout le monde se crisse en plus, le vierge. C'est toujours pareil que vous autres. Faut toujours donner, hein? Ben, les vlogs! Tout d'abord, Lindsay Lohan, ma délicieuse lesbienne fouteuse de troupe préférée, est poursuivie en cour par 3 hommes pour les avoir gardés en otage dans un char. Je vous le jure, là, les plaignards affirment qu'ils ont souffert de détresse psychologique. Les poodles. Tabarnak, c'est des... Quoi? Lindsay Lohan a kidnappé 3 gars dans son char. Asti, c'est-tu des trisomiques sacrément, cette gang de fifs-là? Anyway, enchaînons. Mitsu cherche un bon site web sur l'aménagement paysager parce que selon ses dires, et je cite, « j'ai le pouce brun ». Alex Perron, le fif des mecs comiques, là, décide de faire son épicerie dans ton costume de gala pour le rentabiliser, tu sais, parce que c'est le gala de vieille. Tabarnak, bon. Hein? Ouais. Quel gros move. Ouais, pis en bonus pour conclure, calisse que c'est laid des pantalons taille haute! Quand est-ce que les femmes vont comprendre? D'après moi, ils nous niaisent, là. Sti, ça se fera pas de sens, sti. Je vous souhaite une semaine au doux parfum de flatulence de pétu de brou. C'est ce Roach. C'est un type du gouvernement? Il est plus puissant que le gouvernement. Dis-moi par qui tu travailles, la CIA? Et voilà, j'y vais, ouais. Ben oui. Donc, je me suis pogné une fille la semaine passée, Madame X, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, puis elle a un chum, c'est ça? Oui, j'ai un chum. Ouais, c'est ça, puis c'est pas moi. Fait que je vais lui poser quelques questions ce soir. Ah, c'est pour ça, Madame X. Okay. Ben oui, c'est ça, on va regarder la nuage, j'ai mes petites questions ici. Ok, fait là, que ça se peut-tu que le chum écoute? Ouais, on sait pas. On sait pas. On le salue. On le salue. Mais il sait pas que c'est lui. Fait que, on sait pas. Okay. On doit trafiquer sa voix ici. Son nom de famille, studios. C'est pas X. Rendu là, l'important, c'est de paranoïer. Et voilà. Alors, tous les gars dans la province, vous pouvez maintenant paranoïer. Donc, les filles disent souvent qu'il y a un avant et un après Israël Trudel-Denis. Est-ce que c'est ton cas? Oui, c'est le cas. Donc, c'est la chlamydia. Ouais. La gonorrhée. Ah oui? L'avant, c'était pas ça. Non. La gale? Ben, avant, ça me grattait pas. OK. OK, c'est donc ça. Est-ce qu'on compare une relation avec Israël avec, genre, une ride de bateau à Bali? Une relation? Wow. Ah non, je disais fourré. Ah, OK. Ouais, par là, je parlais de relations sexuelles. OK. Ben là, wow. Chris. Bouge pas trop vite, on a de la misère avec le carré sur tes yeux. Donc, est-ce que ça serait plus comme une ride de bateau à Venise, fourré avec Israël, ou bien plus comme une ride de tank? De tank? Oh, mon Dieu, c'est plus comme à Venise, avec les petits scintillements dans les yeux. Ah, c'est romantique. Ah, c'est romantique. Hey, je dois être plate. Ben, y a un qui aime ça, moi, j'aurais plus l'impression que c'est comme une ride de tank à Venise. Une ride de tank à Venise, c'est bon. OK. Oh oui, exactement. À Venise. Oui. Parfait. On poursuit. Est-ce que tu dirais que ma graine, c'est plus comme une canette ou comme une raquette de tennis à l'envers? Enfin, on va savoir. Bon, enfin. Ouais. Tu veux dire dans le... Comme un tableau d'affichage. Dans sa féminité. Dans là. La manière qu'elle... Tu peux sortir quelque chose d'autre, là. Tu peux dire c'est plus comme la tour Eiffel, dans le fond. Mais précise ta question. C'est est-ce que c'est la pour tour de la... De quoi elle a l'air ou la plus manière pour qu'elle se comporte? L'aérodynamisme. Ah, okay. Ça peut être aussi pour comment qu'elle se comporte. Ben attends, elle a sorti une réponse intéressante. C'est comme ça, la tour en Italie, là. Attends, la tour de Pise, ça veut dire qu'il est haut... Il est droit, il est dur, mais il est un petit peu croche, c'est ça? Un petit peu croche. Ah, Chris, on apprend sur Israël aujourd'hui. OK, ma graine, elle agit-tu comme un petit chien content? Ou plus comme un paresseux dans la jungle? Non, petit chien content. Ah! Mais c'est aussi les petits bruits de petits chiens, là. Hey Chris! J'avais jamais autant parlé à ma gueule. Je le sais pas. Si vous avez des questions pour Madame X, gênez-vous pas aussi. Ben, j'aime bien les tiens, ouais. Continue. Okay. Si mon chum écoute, il peut appeler aussi, ce serait 23. Ouais, on a des bouquets de Nissa Sentra. Si tu te reconnais. Ah, si vous pensez que c'est vous, vous pouvez appeler à l'émission, puis on va savourer on ça. Va 987-3000, poste 1610, 987-3000, poste 1610, c'est à 70%. Si vous avez des questions pour Madame X, c'est comme les vous sketchs. Vous allez perdre une copine, mais vous allez gagner une Nissa Sentra. Ouais. C'est comme les sketchs de, tu sais, celui qui est drôle, là, il appelait, là, le monde qui venait de... Francis Redé? Non, volontairement drôle. Mike Ward. Ah, lui, c'est celui qui sent drôle. Ouais, il pareil. Faisait des shows d'humour que là, mettons, il disait, y'a-tu quelqu'un qui veut qu'on appelle quelqu'un? Puis il y en a un qui disait, hey, moi, je viens de doper ma blonde. Puis là, ben, il appelait la blonde pour l'écœurer. Live. Pourri! Ah, c'est pas si drôle que ça, en fin de compte. Hein? Non, c'est pas drôle. Ben non, mais c'est pas drôle. Mais là, y'a pas de peine à avoir okay, parce que. Ben, appelez pas en nom d'abord. Appelez, ils ont un agreement à ce qui paraît. Moi, j'aimerais. 9873000. Moi, j'aimerais mieux qu'ils paranoïent. On peut pas continuer sur la vague romance, là, après le monsieur méchant qui était fâché puis qui disait. Justement, plein de choses, non, mais faut calmer les gens. Ben c'est ça, fait qu'on continue sur la vague de la romance. Ben voilà. Fait que parler de la bite à Israël. Non, mais on peut pas parler de la bite. Non, on parle de notre relation sexuelle qu'on a eue la semaine passée, là. Et voilà. Me regarder profondément dans les yeux pendant qu'il est en train de me mettre pour me dire que j'étais belle. Aussi, il m'a pété dans la main. Oh, là, je te reconnais bien, Israël. Donc, il n'y avait pas de musique quand on a fourré, mais qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Attends, je répète. Israël m'a pété dans la main. Ah. Ouais, j'ai fait ça. Ben, t'as trouvé ça drôle. Ouais. Je suis morte un peu plus à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Quel séducteur. Donc, j'essaie de trouver des questions, mais j'ai déjà l'impression que j'ai comme labouré tellement son petit jardin pis secret qu'il va falloir le mettre en jachère. T'as l'impression que tu m'as labouré. Le jardin secret, attention. Ah. Non, c'est romantique. T'aimerais-tu ça écouter NSYNC quand on fourre? Est-ce que c'était NSYNC? Non, t'avais mis... Ah non, j'ai rien mis quand on a fourré. Non. Ben en fait... Avant puis après, pas... oui, j'ai mis Mixmania, puis il y a d'autres affaires. Oui, il y avait Mixmania. En fait, il y a eu les chansons cochonnes. Ouais, mais ça, on les a écoutées, mais on n'a pas fourré, je t'ai juste donné la grippe. Oui, c'est vrai, tombe 1, tombe 2 des chansons cochonnes. Ouais, tu penses que ça t'amènerait? Attends, mais c'est pas parce que ça s'appelle des chansons cochonnes, c'est supposé être excitant, Israël. Je vais te donner des trucs, parce que là... Le street mix de Si, de Infinité. Il m'a donné des trucs, c'est lui qui couche avec. Ah ouais, mais attends. Ah non, j'ai pas dit après, là. Non, mais on peut retourner à la question, là. Coucher avec moi, est-ce que c'est comme mettre son doigt dans un pain à hot dog? Lancer une balle dans une Buick Skylight. Ou jouer au squash dans l'espace. Mettre son poing dans un... canne de conserve, tour de pise. Ben, je te dirais plus que ça serait comme... Justement. Attention. On va l'apprendre. Ça serait plus comme mettre la tour de pise dans le nez après. Ah, mais il est propre, mon nez, justement. Regarde, c'est ça. Il y a plus de poils dedans. Hey, c'est du leitmotiv. Donc ça veut dire, ça, c'est un indice. Il n'y a pas de poils dans son voilà. Nez. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est un gros indice. Il n'y a pas de poils dans ton nez aussi. Dans mon nez. Mais pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de poils, c'est un peu dur. Donc, j'aimerais conclure ça. Si personne n'a de questions pour Madame X. Bon. Ah, vas-y, ouais. T'aimes ça, les pommes? Où ça? Sur ces sages paroles, on n'aura pas le choix d'aller vers DJ. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission. Ben oui, et je te remets cette boîte de Prismacolor et cette Nissan Sentra. Merci pour la chlamydia. Invité! Merci beaucoup, Madame X. Mademoiselle, je suis pas mariée. Non, mais mademoiselle, ouais. Si son chum écoute, on salue. C'est vrai qu'à cette heure, c'est pareil. On peut dire mademoiselle et madame. Ben, en fait, on peut plus dire mademoiselle, c'est seulement madame. C'est ça n'existe plus, hein, c'est diffamatoire. C'est ça. Je suis pas diffamée, je me sens pas diffamée. C'est comme Mont de Moiseau, ça va disparaître aussi. Ça existait avant, Mont de Moiseau, pour les gars. Ouais. Mais on dit alors, participez au concours. Non. Qui couchera avec Madame X? Pour la semaine prochaine, envoyez-nous un dessin. On a des bouquets de Nissan Sentra. Et la chlamydia d'Israël. Oh, tout ça! Envoyez-nous chacun un dessin de, selon vous, de quoi a l'air Madame X? Etienne, sauve-nous, man. Mon j'ai pas de poils dans le nez. Ah, pas de poils dans le nez, puis. Ouais, bon, exactement. C'est bon à savoir. Bon, ben, merci beaucoup, Madame X. Tu reviendras quand ça va être demain, legit, là, pour nous raconter des histoires. Demain, pendant une autre émission. J'ai rien d'autre à faire. On sera pas là demain, mais tu peux venir pareil. Okay, je suis sûr qu'on te cite. 7h tapant. Tu leur diras que c'est correct, c'est arrangé avec nous autres. Dans les cas, là, ça va être quoi, là? Dans les cas... Killer Instinct, la trame sonore. En fait, c'était bon. Il me restait un dernier J que je voulais vous faire découvrir. Il s'agit de Jean Charbonneau, très peu connu. on se demande plus pourquoi. Ouais, qui fait des reprises de tunes qui, elles, le sont plus. Donc ça, vous connaissez peut-être déjà cette chanson-là. Personne reprend ses chansons à lui, non? Ah oui, non, oui, ma grand-mère écoutait ça. Tu t'en vas. Voilà. Et dans mon cœur, ce n'est rien que quelques semaines à s'attendre. Hey, il est fait un duo, il est tout seul, là, il est lui. Seul, ouais. Ah, il fait les deux, là. Ouais. Fait que c'est un hermaphrodite, finalement. Exactement. Les choix sont pour toi impossibles. Oh, la flûte de pain au Casio, là. Ça fait un peu karaoké. Tu tombes. On est comme à moins deux. Là, ouais. Ah oui, c'est. Et notre amour nous appartient. On va attendre qu'il monte un peu plus dans les aigus, là. S'il te plaît. Ah oui, à monsieur Y. Non, mais j'allais pas. Je m'en vais en enfer. Tu t'en vas. La semaine prochaine, on t'invitera à l'émission, on posera des questions sur qu'est-ce que t'aimes chez ton chum. Sa tour de piste. Comme un été, comme un dimanche. Ouais. Tu t'en vas comme un dimanche. Ouais. Une autre tune du même album, c'est Elle s'en va. Oh non. Ok. Fait qu'on on l'a dédié à Madame X. Fait que tu, c'était peut-être au masculin. Tu regardes au travers la fenêtre brisée. Moi, mon chum m'a jamais pété dans la main. C'est des petites choses qui rapprochent. La colère, ouais, t'as jamais dit que t'étais belle. Oh. Et je vois dans tes yeux. Là, je veux qu'il y ait des beaux dessins de moi qui seraient en 17, là. Sinon, dans les cas, il m'est arrivé quelque chose d'assez intéressant. C'est donc bien fade, ça. Oui, c'est quoi, ça? C'est de même tout le long. Ça s'appelle Vox Pop Volume 1. Ça, c'est. Vox Pop Volume 1. C'est l'ingi parce que c'est Jean Charbonneau. En fait, ok, je m'étais dit que je le dirais pas, mais finalement, je vais le dire. Là. Pas le nom de son chum? Caroline Néron. J'ai chante la prochaine chanson. Ce gars-là, j'y ai enseigné, puis il est venu me donner son disque à la fin du cours. Il m'a dit, tiens, t'écouteras ça. Mais tout le long de mon cours, moi, je m'en cache pas que je fais 70%, puis Radio Cochonnerie, puis je fais jouer des tunes poche pendant une pause. Fait que là, je me dis, lui, il savait que je faisais jouer des tunes poche à la radio, puis il m'a offert son propre album, qui s'est enregistré lui-même. Ça veut dire que lui, il trouvait ça bon. Donc, Jean, félicitations. Là, on parle de... Oh, attends un peu. OK, il va être capable, là. On parle d'un gars dans la cinquantaine qui sait que t'as un site internet de radio spéciale, puis il t'a donné un disque à toi en particulier. En disant que t'écouteras ça. Puis là, ben voilà, tout le monde l'écoute. Mais aujourd'hui, Jean, on te salue. Il est diplômé aujourd'hui, par contre. Mais c'est un peu la même affaire qui m'est arrivé avec Ray Brun, là, le chef cuisinier du Barbare, qui s'était enregistré en karaoké, qui m'avait fait écouter ça. Ça chante très bien, que je collectionnais la marque. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ouais, ben c'est ça. Pas, c'est comme Marie-Conne qui est venue chez nous l'autre fois. Elle nous dit, moi, quand les gars me parlent, j'écoute pas. Fait que j'ai dit, ah, oh, ouais, pour vrai. Puis elle a fait, hein? Puis devine, Marie-Conne, si elle a oublié ses souliers chez nous. Hein, David, si Maricon est reparti pas de souliers, man, ça donne à réfléchir en estime. Hey, chauffe-nous un autre, mon Forêt. Puis ouais. Peut-être qu'on pourrait avoir du Bruno en background qui nous souligne. Aïe, s'il te plaît. Ben, j'ai une toune dans les cas. Ben, c'est pas un vrai cas, tout à fait, mais je me souviens plus du nom de ce gars-là. Mais son pseudonyme, c'est Alain Connu. Connu avec un K. puis lui, ce gars-là, il travaillait avec moi chez Téléclub dans le temps que j'étais programmeur. Puis c'était les débuts de Radio Cochonnerie. C'est puis... les règlements de compte de DJ Show. Ouais, lui, il travaillait, il tripait sur Radio Cochonnerie. C'était un super grand fan. Je me souviens même plus de son vrai nom. Michel quelque chose, en tout cas. Puis lui, m'avait donné sa toune. Mais lui, il savait que c'était poche. Puis il m'a dit, c'est super pourri, je sais pas chanter. Tiens, tu la feras jouer à Radio Cochonnerie. Fait que c'est À l'inconnu qui reprend Pas besoin de frapper. Excellente chanson de Jacques Michel en karaoké. Oh shit. Attendez sa première phrase, c'est touchant. Ouais, ouais, après ça, Bruno en nouvelle. Oh, ça en vient. Le maillot paint. Pas besoin de frapper pour entrer chez moi. Oh. Il m'a même fait un indicatif qui dit je suis à l'inconnu et j'écoute Radio Cochonnet. Ah, ça, Michel, c'est Farinet wannabe, man. Ouais, mais lui, il sait que c'est pourri, là. Il sait qu'il n'y a pas de talent, puis il trouvait ça ridicule de se réentendre. Fait qu'il me dit, tiens, mets les dons, ça va être drôle, c'est poche. Il avait pris un pseudonyme pour pas qu'on le reconnaisse. Ça marche. Mais l'enverras, je dis, j'ai envoyé des CV. Ah ouais, je t'enverrai ça, j'en ai deux de lui. Hey Bruno, vas-y, mon gars. Oui, alors, la police de Fribourg, en Suisse, a engagé un acteur professionnel qui se déguise en ange et se place au milieu de la route afin de décourager les automobilistes à faire de la vitesse. Cette initiative fait partie d'une campagne de sensibilisation lancée à la télé avec une publicité montrant un ange se faisant rentrer dedans par un automobiliste sortant de son garage avec empressement, pardon. L'ange gardien de la route qui travaillera 20 heures semaine au moins jusqu'à la fin octobre battra des ailes lorsqu'il verra un automobiliste qui va trop vite. Oh, ouais, c'est, fait que c'est comme un casque bleu, là. Il voilà. Faut pas faire grand chose. Ouais, c'est ça. L'idée est de fournir une forme concrète de protection. Cet ange est bien réel, rappelle aux automobilistes d'être responsables, a affirmé Benoît Dumas, porte-parole de la police de Fribourg. D'avoir une présence physique comme celle-ci rend le message plus visible. Les gens qui voient l'ange sont encouragés à envoyer un courriel à la police. Ils pourront ainsi participer à un tirage pour des leçons de conduite gratuites. C'est ça aussi, étape. Pendant qu'on rappelle que les sondages, les résultats sont rentrés et 100% des Suisses se sentent pris pour des caves. Sacrement, hein, ouais, y a l'ange, il va battre des ailes. Il va battre des ailes, vite. Check, il a battu des ailes. Ouais, il m'a accéléré pour faire ça. Il faut pas qu'ils aient battu pour rien. Next, man. Hey. D'accord, on y va avec un dernier petit bloc bébé. Chaque année, dans le temple Sensoji à Tokyo, se tient le festival de bébés qui pleurent. La tradition vieille de 400 ans est censée garder les enfants en bonne santé et éloigner les mauvais esprits. La compétition va comme suit. Des parents, 80 cette année, emmènent leurs enfants au temple. Des lutteurs sumo amateurs les lèvent dans les airs en tentant de leur faire peur alors qu'un arbitre sumo juge le match. Le bébé qui pleure le plus fort et le plus longtemps gagne. Oh, il gagne quoi? Il gagne. Il gagne le droit de se faire un ici. Hey, merci beaucoup. Attends, il y en a une dernière. Le petit bloc bébé. De bloc bébé. Si vous êtes en Espagne, plus précisément dans le village de Castrillo de Murcia, le 6 juin prochain, vous pourrez aller voir le festival de Corpus Christi et plus précisément son concours de saut en longueur par-dessus des bébés. Quiconque a une nouvelle addition dans sa famille cette année peut l'emmener afin de participer au festival. Ici, on place les enfants sur un matelas et des hommes habillés en diable sautent par-dessus les bébés afin de les purifier de tous mes fesses. Ça a tout un rapport avec le mauvais œil, ces affaires-là. Oh, wow. On peut pas comprendre. Non, c'est culturel. On peut pas comprendre. Ben, comme beaucoup de traditions en Espagne, c'est pas mal vague d'où ça vient. On peut pas comprendre. On le fera aux deux ans du douteux, là, avec du monde en patin qui sort par-dessus des bébés. Ouais. Là. Avec des babes. En patin. En patin. Comme ça, si tu te trompes, tu peux pas faire à semblant que tu t'es pas trompé. Allez, on va réécouter une petite dernière séquence du film d'aujourd'hui, là, un petit 20 secondes avant de débouler vers la fin. Là, préparez votre indicatif, tout le monde. Vous faites ma mère? Rien du tout. Pourquoi? Tu penses que j'aurais dû? Je l'ai juste aidée à devenir une femme à part entière. Très difficile avec ces théories féministes qui nous envahissent. Tu sais ce que je veux. Donne-moi la formule et je te laisse partir avec ta belle-mère. C'est ce qu'il fait, il fait jouer une crécelle dans si les oreilles. Si tu te décides maintenant, l'électrocute. Tu emmèneras aussi ta crécelle. Jolie petite copine. Il l'électronique. Okay. Ta jolie petite copine. Il l'électroculte. L'électrolisationulte. Il la malkinise. Il la crosbise. Attention, c'est une offre qui est limitée. Bah, qui était méchant, Roach. Hey, Julien, merci bien gros d'être passé. Ah, le plaisir pour moi. Moi, j'ai adoré ton attitude. T'es le bienvenu dans le futur, là, okay. Si tu veux venir nous parler de, je sais pas, ton dessert préféré. Moi, j'aime ça quand le monde nous amène des recettes. Invité! Fait que vas-y, man, fais ton petit indicatif, là. C'est comme tu le sens, tu dis ce que tu veux, là. Tu peux dire. Ce que je veux? Oh, ouais. Ok, ben, je m'appelle Julien Bernatché, puis je me crosse dans des Lucky Luke en regardant Rentre en plan, puis j'écoute 70%. Merveilleux. Fabuleux. C'est un de mes préférés. Madame X? Attends, je pense à quelque chose de vraiment super. Ben drôle, là, peut-être que la prochaine fois qu'Israël te fait l'amour, vous écouterez 70%. Si la prochaine fois il y a, hein? Ben, c'était quoi le galon de lubrifiant que t'avais dans ton sac? Ça serait là. C'est pour faire des nouilles. ben, c'est pas mal la fin. Hein? Elle veut pas en faire un. La prochaine fois que je trompe mon chum, j'écouterai 70%. Ok, c'est pas peu ça. Bon, faut que tu le dises, par exemple. Ouais, c'est ça. Quand je vais le dire, je m'en vais en enfer. On est tous prendus après sa fente. La prochaine fois que je trompe mon chum, je vais écouter 70% ou pas. Pour passer à moi. On l'a fait. Hey, merci Elisabeth d'être passée. Merci Julien. Merci Étienne. De rien. Vous êtes des empereurs parmi les hommes. Simon Préjean. Fais attention à ton attitude de champion, Israël. Merci, ben gros, tout le monde. Ah, toi, c'est sûr et certain. C'est qui n'aime pas mon attitude? Il n'y a personne qui n'aime pas ton attitude. T'es comme un popsicle, mais qui font jamais. Hey, moi, je vais prendre la petite minute qui me reste ici en attendant le monde de Dans ta bulle pour lire la fin de mon petit texte sur Electra. Electra, gardée loin de nous tout ce temps, rescapée du VN de Saint-Hubert, une perle oubliée parmi d'autres reliques du passé. Et pour cause, Roach a plus de puissance que le gouvernement, sauf que suite à un accident extra-diégétique, il ne bande plus. Il y a aussi l'effet secondaire de ne plus pouvoir marcher, mais ce qui prime chez la psyché complexe de notre antagoniste de ce soir, croyez-moi, c'est sa bandaison. Allant jusqu'à menacer des docteurs au singulier, Roach tente de trouver une manière de refaire de lui un homme. La séquence de méchanification passée, bon, ouais, tu sais, la séquence du début du film durant laquelle on comprend que le méchant est tellement méchant que le gentil va pouvoir fabriquer autant de cadavres que justice se peut. Les statistiques le prouvent, à Hollywood, on a plus de chances à 1 contre 20 qu'à 20 contre 1. Ben important. Donc, la méchanification passée, on se retrouve projeté, transporté dans un décor, dans un des deux décors du film, une mystérieuse lande agricole, prison de Shannon Tweed, Sable et notre héros. C'est que le héros jeune et beau survit au sérum. Contrairement à tous les cobayes humains de Roach, le héros survit. C'est ce secret que Roach va tenter d'obtenir par tous les moyens. À la fin du film, il y a des bloopers. Puis moi, quand il y a des bloopers à la fin d'un film, c'est pas Jackie Chan qui est en train de se faire mal. Je trouve pas ça hot. Et non, il n'y aura jamais de Electra 2. Mais on va toucher du bois, ben du bois dans nos culottes, car voici Shannon Tweed et ses boules dans le rôle de Electra avec un C. Hey, merci d'avoir écouté ça, là, c'est dans ta bulle dans 2 minutes et demie. Ça te donne le temps d'aller pisser ou de peser pause, vu que c'est sûrement en archive. C'est quoi que je me mêle? C'est ça, je vous laisse avec Electra, c'est sûr. Self-control. Mais